Tu passes sur le chemin des jours, l'air distrait, l'air inquiet, que te font le parfum des roses et celui des nuits chaudes. Tu as clos tes paupières aux nuées, aux brumes des bruits, un vertige dans le cœur. Tu passes au-delà des vérités premières. Étincelle sous mon bouclier d'argent, le drap de soie sur ma nudité.